Yes I. On lâche pas l'affaire contre Babylon System qui est toujours là pour t'enterrer. Y'a mal pour avancer, on reste au combat. Toi-même tu sais, positif au maximum. Lâche pas l'affaire. Rien à faire, on lâche pas l'affaire. On reste fier, on ne chante pas pour Babylon, c'est clair. Rien à faire, on lâche pas l'affaire. On reste fier, on chante pour toutes les familles sur la terre. Rien à faire, on lâche pas l'affaire. On reste fier, on chante pas pour Babylon, c'est clair. C'est rien à faire, on lâche pas l'affaire. On reste fier, on reste fier. Alors moi c'est quand j'en la misère sur nos frères. Certains des fois ne pas même plus toucher terre. Touché par des fléaux tels la drogue ou puis même la guerre. Je suis pourtant pas connu mais me dis que tant que j'espère. Me persévère dans ma quête de vérité, que Dieu entende ma prière. Et qu'enfin stop ce sort d'une impression, c'est coutumière. Ta vie ta terre, certains en font ton enfer. Moi je sais chanter. On chante pas pour Babylon, c'est clair. Rien à faire, on lâche pas l'affaire. On reste fier, on chante pour toutes les familles sur la terre. Rien à faire, on lâche pas l'affaire. On reste fier, on chante pas pour Babylon, c'est clair. Rien à faire, on lâche pas l'affaire. On reste fier, on reste fier. L'argent, la quête du pouvoir pour voir si est notre univers. Ces fans sont pas nouveaux, non, ils ne datent pas d'hier. Encore hier, nos pères se battaient pour protéger nos terres. Aujourd'hui de pas les laisser faire. Des sacrifices en retour, on n'en a que faire. Je me tape de leur discours, encore moins leur ministère. Rien à faire, on lâche pas l'affaire. On reste fier, on ne chante pas pour Babylon, c'est clair. Rien à faire, on lâche pas l'affaire. On reste fier, on chante pour toutes les familles sur la terre. Rien à faire, on lâche pas l'affaire. On reste fier, on ne chante pas pour Babylon, c'est clair. Rien à faire, on lâche pas l'affaire. On chante pas pour Babylon, c'est clair. Rien à faire, on lâche pas l'affaire. On reste bien, on chante comme toute la famille sur la terre. Rien à faire, on lâche pas l'affaire. On reste fier, on ne chante pas pour Babylon, c'est clair. Rien à faire.